Comment on sait quand on est sauvé? Eh bien, le jour où vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, le jour où vous croyez en lui, la Bible vous promet que vous êtes sauvé. C'est-à-dire que le jour où vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts, le salut étant gratuit, Dieu vous donne la vie éternelle, il vous sauve éternellement. Et bien, ce jour-là, vous recevez la vie éternelle et donc vous êtes certain d'aller au paradis, vous êtes sauvé. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11, il est dit « Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Donc c'est l'attestation de Dieu. Et verset 13, « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc Dieu veut que vous sachiez que vous êtes sauvés parce que il vous aime, il veut que vous soyez assurés d'aller au paradis. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, c'est une certitude, c'est une promesse de Dieu. 1 Jean 2, 25, et voici la promesse qu'il nous a promis, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc Dieu est fidèle, Dieu dit la vérité, si vous avez cru en son Fils, vous êtes sûr d'aller au paradis à 100%.